Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à FrenchPod. Aujourd'hui, nous avons un nouveau podcast de niveau média avancé. Salut tout le monde, c'est Christella. Donc, je suis en compagnie de la charmante Christella. Et moi, je suis en compagnie du charmant Amaury. Et aujourd'hui, on va parler de notre petite chérie, la planète, qui est au centre de l'article dont on va parler. Un article du Monde qui est paru le 13 janvier 2009. Et oui, cette pauvre planète qui connaît des heures difficiles, vu comment les êtres humains la traitent. Donc, les gens se bougent. Prennent des initiatives. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose au niveau écologique. Et donc, il semblerait qu'un réseau social se soit mis en place sur Internet, sur le web, sur le net. Une espèce de Facebook écolo. Exactement, il a été créé en France, il a été lancé à la fin de l'année 2008 et il rencontre un succès inattendu. Alors, le site en question, c'est www.planetattitude.fr. Comme il est dit dans l'article du Monde, Le Monde, on le rappelle, un très grand quotidien français de centre-gauche qui a été créé en 1944, qui paraît tous les jours dans l'après-midi. Et l'initiative La Planète Attitude a été lancée par le Fonds Mondial pour la Nature. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est ça? Le Fonds Mondial pour la Nature, c'est tout simplement WWF, on dit aussi WWF. C'est marrant qu'on dise WWF parce que bon, la lettre c'est W donc ça devrait être WWF. Mais très souvent on dit WWF. Oui. C'est peut-être parce que c'est trop... C'est trop long à dire. Et puis c'est dur quoi, WWF. Moi j'ai une petite explication à ce sujet. Vas-y, c'est ça m'intéresse Amaury. En français, parfois la lettre W se prononce V. Comme on dit pas un wagon, on dit un wagon. Ah c'est vrai. En Belgique, les W on les prononce vraiment W, on dit un wagon. Donc en Belgique on dirait WWF. Mais en France, comme le W se prononce également V à certaines occasions, ça ne m'étonne pas trop qu'on dise WWF également. Ah d'accord, moi ça m'étonne un petit peu parce que c'est une initiale. Donc, en général les initiales on conserve bien la lettre comme il dit dans l'alphabet. Mais là c'est pas le cas, je pense que c'est tout simplement parce que c'est plus pratique, ouais. On le sait. En tout cas on parle bien de la même chose, le World Wildlife Fund. Absolument, et cette initiative, alors à quoi ça ressemble exactement? Eh bien c'est comme un réseau social, un peu comme Facebook. Et donc, cette initiative a été lancée sous forme de plateforme, en fait, un peu comme un lieu d'échange où les gens peuvent diffuser des informations et aussi... Des vidéos, lancer des appels. Voilà, des conversations et aussi obtenir des réponses d'autres internautes qui sont intéressés par le sujet, par le fait de protéger la planète et la nature. Et comme tu le disais, ça marche. Donc en fait, le site qui a été lancé en fin 2008 rencontre beaucoup plus de succès que prévu. Il est dit que le site compte aujourd'hui 2300 membres, bien au-delà des 1000 inscrits escomptés au 31 décembre. Donc bien au-delà des 1000 inscrits prévus auxquels on s'attendait à la date du 31 décembre. Très bonne chose, c'est bien. Donc l'information circule, les gens adhèrent, mais quelle est la particularité de ce site planetattitude.fr? Quelle est la différence avec le site du Fonds Mondial pour la Nature, le WWF? La différence est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas une succursale du WWF, c'est-à-dire ce n'est pas une organisation qui dépend du WWF. Ouais, c'est bien ça, ce n'est pas une organisation qui ne ferait que reprendre les combats ou les projets du WWF. C'est vraiment un espace pour tout le monde, à la condition bien sûr que les gens aient un message écologique. Ouais, c'est un site bien particulier. Dans le fond, le combat est le même, mais les manières d'agir sont différentes et les manières de toucher les gens sont différentes et apparemment, ça touche beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'internautes qui se sont très vite appropriés l'outil, appropriés ce site internet, donc qui l'ont très vite adopté, qui l'ont très vite utilisé. Et ce, à différentes fins, car c'est vrai que le sujet de l'environnement est un sujet très sérieux, donc il est normal qu'on y retrouve des informations de fond, c'est-à-dire des informations sérieuses, importantes, essentielles, qui vont vraiment être très bien expliquées. Mais aussi pour rendre le site un peu plus fun, et la lecture du site aussi un peu plus fun, il y a des éléments plus ludiques, des éléments qui ont plus rapport avec le jeu, qui sont présentés de manière un peu moins sérieuse, de manière un petit peu comme un jeu en fait, de manière ludique. Donc tous les sujets sont abordés, l'autonomie énergétique personnelle, le Dakar en 2009, il y a de nombreux débats, il parle également du végétarisme. Alors vous pouvez demander qu'est-ce que c'est que le végétarisme? Bien le végétarisme c'est un type de régime alimentaire, et dans ce type de régime alimentaire on ne consomme aucune chair animale, d'aucun type, c'est-à-dire ni viande, ni poisson, ni fruits de mer. Mais par contre dans ce type de régime on peut consommer des produits dérivés tels que le lait, le miel, le fromage. Yaourt. Le végétarisme, je suis d'accord avec ce mouvement, mais malheureusement, j'aurais du mal à en faire partie. Alors, pourquoi tu soutiens ce mouvement, Amaury? Pourquoi tu aurais du mal à en faire partie? Parce que je trouve que l'idée est belle de ne pas avoir cette agression par rapport aux animaux et de ne pas devoir tuer d'autres êtres vivants pour pouvoir survivre. Mais malheureusement, j'ai pas été éduqué de cette manière, j'aurais du mal à changer. J'ai déjà essayé. C'est vrai ? Pendant 24 heures, mais pas bravo. Plus. Et toi, tu ne t'es jamais laissé tenter par le végétarisme, Christella ? Eh bien, moi, je reconnais que c'est une idée qui me tente. C'est un régime alimentaire que je trouve aussi assez idéal. Mais je suis trop accro au poulet. J'aime trop le saucisson. Et j'ai un peu de mal. Par contre, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais je dirais que je suis vegetarian. C'est-à-dire que je sais qu'il faudrait que je mange moins de chair animale. C'est bien, ça. C'est déjà un grand pas. En 2009, je passerai au moins une semaine où je ne mangerai qu'une fois de la viande. Courage, Amaury, tu peux le faire. Et donc, il y a beaucoup de groupes et d'associations qui visitent le site du VVF, mais aussi le site planeteattitude.fr, et qui notamment essayent de sensibiliser les gens grâce à des campagnes de sensibilisation. Alors, sensibiliser, ça veut dire simplement essayer de rendre les gens plus conscients ou essayer de faire connaître un phénomène au public de manière à ce qu'ils se sentent touchés et qu'ils essayent d'agir. Donc, on peut avoir des campagnes de sensibilisation par rapport à la chasse à la baleine, par exemple. Voilà. Ou des campagnes de sensibilisation par rapport au danger du tabac. Et donc, la campagne de sensibilisation qui est citée dans l'article, c'est « Je trie ma brique ». Alors, qu'est-ce que c'est une brique, Amaury ? Alors ici, une brique, ce n'est évidemment pas le matériau qui est utilisé pour fabriquer les maisons, mais c'est un petit emballage en carton qui a généralement un volume d'un litre ou d'un litre et demi et qui contient généralement un produit alimentaire qui est souvent un liquide parce qu'on a souvent des briques de lait ou des briques de soupe. Ou de jus de fruits. Ou de jus de fruits. Et en fait, cette campagne « Je trie ma brique » a été lancée par Tetra Pak. Tetra Pak est une entreprise française qui fabrique justement la plupart des briques en France. Et cette campagne a été lancée pour pouvoir sensibiliser les gens au tri de leurs déchets et notamment au tri de la brique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la question, il y a même un site internet qui existe à cet effet, c'est jetrimabrique.com, tout simplement. Mais c'est pas grave, n'essayez pas de retenir toutes les adresses internet dont on vous a parlé aujourd'hui. On va toutes les mettre sur le site frenchpot.com, sur la page qui a été créée pour la leçon d'aujourd'hui. Donc des campagnes de sensibilisation et un site internet planeteattitude.fr lancé par VVF, tout ça pour créer un engouement environnemental en France, tout ça pour emballer les gens, pour créer un véritable enthousiasme en France. Et on espère vraiment que cette initiative aura encore plus de succès en 2009. Alors moi je crois que je suis assez confiant concernant la réussite de ce site, vu comment c'est parti. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je pense que ça va continuer en 2009. Et d'ailleurs, on a regardé le site, c'est vrai qu'il est très bien fait. Il est vraiment très bien fait, il suffit juste de s'inscrire, ça prend quelques secondes, et puis on peut avoir accès aux différentes vidéos et différentes informations qui sont laissées sur le site internet. On apprend beaucoup très rapidement. Alors, pour l'instant, le site planeteattitude.fr n'a pas vocation à s'ouvrir à l'international, est-il dit dans l'article du Monde. Donc le site n'a pas pour but, n'a pas pour objectif de s'ouvrir à l'international, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être que l'idée va plaire à quelqu'un à l'étranger, et que de nouvelles plateformes de ce type vont être ouvertes et permettre de sensibiliser encore plus de monde. Et créer un engouement écologique dans plein de pays différents. Donc le même site en espagnol. Voilà, que planeteattitude.fr devienne vraiment un mouvement planétaire. Donc nous avons eu affaire ici encore à un sujet qui touche vraiment FrenchPod. Franchement, ça nous a fait énormément plaisir de parler de ce site. Franchement, je vais vous dire la vérité, d'en faire sa promotion. J'espère que vous allez faire un petit tour dessus, parce qu'en plus, ça serait très bien pour améliorer votre français. Et comme on vous le disait, le site est très bien fait. Donc si vous aussi vous êtes sensibilisé par l'écologie, par l'environnement, si vous avez des projets ou si vous avez envie de parler d'une cause spécifique que vous soutenez, on se retrouve sur la page de discussion pour en parler tous ensemble. En attendant de lire vos commentaires, à très bientôt. Salut.